Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, on continue avec le même auteur, hein, Jérôme Leroy, qui a fait paraître plusieurs toutes petites nouvelles dans le bouquin « Dernière nouvelle de l'enfer ». Donc, tout est dit dans le titre. Jérôme Leroy est donc un auteur qui est né à Rouen en 1964. Il reçoit de nombreux prix, dont le prix de l'Académie française. C'est un ancien professeur en zone d'éducation prioritaire. Donc, je vais commencer par « Légende urbaine » qu'il dédie à la Motown. J'avais été nommée pour mon premier poste dans un collège de la banlieue de Détroit dans le Michigan. Ce n'était pas un endroit facile. La ville de Détroit était complètement sinistrée par la crise. En quelques années, l'industrie automobile s'était effondrée et la région s'était transformée en zone morte. Évidemment, dans les banlieues, c'était encore pire. Les jeunes avaient autrefois l'espoir de bosser dans les usines ou même de faire carrière dans la musique, car Détroit avait longtemps été la capitale de la soul, du doo-wop et du rhythm and blues. Un nombre incalculable de chanteuses, de chanteurs, de groupes avaient émergé des ghettos de Détroit et connu la célébrité en quelques titres. C'était bien le seul avantage que j'avais trouvé à cette nomination à Détroit. Le samedi, je pouvais traîner chez les vieux disquaires d'occasion et trouver des trésors pour pas trop cher. J'ai toujours été un fan de la musique noire des 60s, qui mettait un peu de couleur à mon triste appartement de jeune célibataire désargenté. Il n'y avait dans mes deux pièces au 20e étage d'une tour en mauvais état que quelques paquets de copies, des livres que je ne lisais plus, un vieux pick-up pour mes trouvailles et ma mélancolie. Mes élèves venaient tous du ghetto. Ils étaient durs parce que le monde était dur avec eux. La plupart avaient des frères ou des cousins qui étaient morts par balles dans des fusillades entre gangs ou dans des accrochages avec la police. Ils n'avaient aucun espoir d'avenir et se voyaient piégés à Détroit. Condamnés à vivre de l'aide sociale, de petits boulots minables ou à gagner de l'argent en dealant de la drogue, mais accepter une espérance de vie limitée. La première fois que j'entendis parler de la SCO blanche, ce fut avec une classe de sixième. Je suis professeur de littérature et je leur avais lu un conte fantastique de Matheson, où il était question d'une chanteuse fantôme. Ils avaient apprécié, c'est-à-dire qu'ils avaient fait moins de bruit que d'habitude. Et certains avaient même écouté et applaudi la virtuosité de cette histoire. Ce fut la petite voix de Samuel, un gamin de la tour Apollo, qui fit la remarque. « On dirait l'histoire de la SCO blanche. » Il y eut un silence gêné dans la classe. Même gêné, c'est rare, le silence, dans une classe comme ça. J'ai essayé de capter des regards fuyants. Le petit Samuel lui-même baissait les yeux et semblait sans vouloir. « C'est quoi cette histoire de SCO blanche ?» J'ai demandé, mais la sonnerie a retenti et ils sont tous sortis encore plus vite que d'habitude. J'ai oublié et puis un jour, chez un des disquaires de Détroit, je suis tombée sur un 45 tours de doo-wop, quatre garçons noirs et une fille blanche. Ils s'appelaient The Indians. Ça avait l'air pas mal. Mais quand le disquaire, un vieux noir, presque aveugle, qui collait ses yeux contre la pochette pour voir le titre, m'a annoncé le prix, j'ai reculé. C'était plus cher qu'un dîner aux chandelles au César, le restaurant gastronomique et panoramique de l'aéroport, qui se trouvait au dernier étage de la plus haute tour de la ville et tournait sur lui-même. Je dis cela parce que j'étais allée prendre une bière là-haut et regarder la grande métropole dévastée par la crise et couverte de neige sombrer dans la nuit. J'avais pensé à ma solitude, à mon ennui, à ce métier sans avenir qui était le mien, à la perspective de vieillir seule et sans amour dans une ville comme Détroit. Le disquaire m'a dit « Ça vous semble cher pour un vieux 45 tours, mais c'est une pièce très rare. The Indians n'ont enregistré qu'un seul disque. Cette fille blanche, seule avec quatre noirs, ça a fait grincer des dents à certains. C'était en 1958. La fille a vite gagné le surnom de Squaw Blanche à cause du nom du groupe. Ils ont tourné surtout dans les bars du coin et puis dans les deux ou trois grandes salles de Détroit. Mais chaque fois, ça finissait par des bagarres entre racistes blancs et spectateurs noirs. Ça a nuit à leur carrière. Et puis, un soir de janvier 1959, ils revenaient dans leur camionnette d'un passage à l'Atomix, une salle du sud de la ville. On ne sait pas si c'est la faute de la neige ou du poids lourd qui roulait trop vite. Ils ont été littéralement broyés par un gros camion d'essence qui a explosé et a tout embrasé. On n'a pas retrouvé de traces du chauffeur. Il y a eu une enquête, et puis on a oublié. Il y avait 10 nouveaux groupes par semaine à Détroit dans ces années-là. Mais enfin, pour les amateurs comme vous, la voix de la Squaw Blanche est inoubliable dès qu'on l'a entendue. J'ai payé. Le vieux avait raison. J'ai écouté le disque et j'ai trouvé les 4 chansons totalement envoûtantes. À l'école, j'ai retenu Samuel à la fin d'un cours. Il a eu l'air étonné. Je lui ai demandé s'il pouvait me raconter l'histoire de la Squaw Blanche. Il a hésité, m'a regardé, puis il a raconté d'une voix hachée une histoire un peu différente de celle du disquaire. « Vous savez, monsieur, c'était pas un accident. C'est mon grand-père qui me l'a dit. Le camion, il a été envoyé par le Ku Klux Klan. C'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé le chauffeur. Après, mais vous allez pas me croire. On dit que la Squaw Blanche, elle revient parfois. Elle rend service. Ceux qui écoutent son disque, s'ils sont tristes et qu'ils lui demandent, elle leur apparaît et puis elle les emmène avec eux dans l'au-delà, juste après avoir fait... » Samuel a rougi. « Juste après avoir fait l'amour, elle les étrangle, et voilà !» Pour une belle légende urbaine, c'était une belle légende urbaine. Maintenant, je passais mes soirées à écouter l'unique 45 tours des Indians et à regarder la pochette du disque. La Squaw Blanche était une jolie blonde, toute en longueur, paraissant plus grande encore avec sa coiffure en choucroute. De beaux yeux bleus qui contrastaient avec le ciel toujours gris de la ville. J'ai un peu surfé sur le net à la recherche d'autres photos. Rien. Rien non plus sur d'éventuels soupçons autour de l'accident. Le lendemain, j'étais grippée. Un médecin est passé. 4 jours d'arrêt. Au bout de ces 4 jours, je me suis aperçue que personne ne m'avait appelée. Alors, j'ai mis le disque des Indians sur mon vieux pick-up et j'ai appelé quelqu'un. De toutes mes forces, de toute mon âme de solitaire, dans une nuit interminable. Et c'est vers le matin que j'ai senti des mains très douces autour de mon cou et que j'ai entendu la voix féminine et chaude qui me chuchotait à l'oreille. « Tu vois, je suis venue. Tout va très bien se passer maintenant. » Et voilà, Voilà, un petit coup de blouse, messieurs. Non, je vais vous laisser avec une très jolie musique. Eh bien, je vais vous laisser avec une très, très jolie musique. Vous passerez une excellente semaine sur Radio Gémozo, 107 FM, bien sûr. À tout bientôt.